Chapitre 20e. Le surlendemain matin, Mademoiselle Mirov était à peine assise devant le piano, qui sous ses mains délicates subissait tous les jours quelques heures de torture, lorsque son amie Vera entra d'un air triomphant. Après avoir échangé nombre de caresses entremêlées de taquineries amicales, les jeunes filles s'assirent sur une causeuse, loin des portes, et conséquemment des oreilles indiscrètes. « Je sais tout !» chuchota Vera dans l'oreille de son amie. « Quoi tout ?» fit Marianne de l'air le plus innocent. Vera agita négativement son doigt devant son petit nez rose un peu camu. « Ce n'est pas à moi que l'on en fait à croire !» signifiait ce geste ironique. Marianne baissa les yeux, se mit à rire, et tiraillant sa compagne par la chaîne de montre qui retombait sur sa robe. « Dis-moi ce que tu sais !» fit-elle d'un air soumis. Vera, fière de ses avantages, prit une physionomie de barde océanique. « Nous sommes, dit-elle, d'une famille obscure mais honnête. Nous avons aimé 2 ans. »« 2 ans ?» interrompit Marianne en levant les yeux au ciel. « Il y a donc des gens capables d'aimer 2 ans ?»« 2 ans ?» reprit Vera sans se déconcerter. « Une jeune fille de moyenne noblesse. Son nom, Mademoiselle Karzoff. » Ça m'est bien égal, c'est son petit nom que je veux savoir. Je l'ignore, avoua Vera, non sans confusion. Mon vieux scribe ne s'en est pas informé. Marianne fit la moue. Vera reprit son discours sans y faire attention. Les parents de Mademoiselle Karzoff voulaient un gendre riche et gradé. Ils refusèrent leur fille à ce beau jeune homme. La conteuse regardait Marianne du coin de l'œil. Celle-ci ne sourcilla pas. Et la jeune demoiselle, qui paraît-il aimait éperdument ce monsieur, fit exprès d'attraper la phtisie galopante. « Oh, mon Dieu !» s'écria Marianne en frissonnant. « Et elle est morte ?»« Elle est morte, 3 mois après. » Les parents avaient consenti au mariage, naturellement lorsqu'il n'était plus temps. Marianne, découragée, avait laissé tomber ses mains sur ses genoux. « Mais c'est un roman, c'est impossible, ces choses-là n'arrivent pas. »« C'est arrivé, cependant, » fit observer Vera. « Comme il doit l'aimer. Hein, que ce sera difficile. »« Quoi ?» Marianne secoua la tête et ne répondit pas. « Tu ne vas pas, je suppose, t'amuser à tenter ce pauvre veuf, » dit Vera. « Pourquoi pas ?» La jeune enthousiaste prononça avec énergie ce mot qui ouvrait les hostilités. « Pourquoi pas ?» reprit-elle. « Ce pauvre veuf qui n'a pas été marié n'a connu que les chagrins de la vie. Ne serait-ce pas une tâche noble et utile de lui faire apprécier les douceurs ?»« Comment, tu l'épouserais ?»« Certainement, » fit glorieusement Marianne, tout enflammée de charité. Et peut-être aussi de coquetterie. Vera se tut et regarda le parquet d'un air soucieux. « Tes parents n'y consentiront pas, » dit-elle enfin. Marianne haussa les épaules. « L'exemple de la première, de Mademoiselle Karzoff, servira bien à quelque chose, » dit-elle à demi-voix. « Mais si lui ne veut pas, si le souvenir de la fiancée est plus fort que toi. » La fille du ministre haussa les épaules une seconde fois et se regarda dans la psyché qui lui faisait face. Son image délicieuse lui renvoya le sourire orgueilleux qui éclairait son visage. « Ah !» dit Vera en se levant. « Dans 2 jours, tu n'y penseras plus. »« Écoute-moi bien, » dit Marianne. « Dans 6 semaines, il sera amoureux de moi. »« Quelle idée, c'est impossible !» Mademoiselle Karzoff était une personne sérieuse, un peu exaltée. « Sois dit sans te blesser, tu es exactement tout le contraire. Comment peux-tu croire ?» La contradiction excitait au plus haut point l'esprit volontaire et frivole de Marianne. Elle fit un geste de colère. « Dans 6 mois, je serai Madame Dournoff. » Vera se mit à rire. « Dans 6 mois, dit-elle, où j'épouserai le vieux général Boom. » Ce général Boom, de son nom Anthropos, célibataire incurable, privé d'un bras et d'une oreille, par un déboulé de Sébastopol, était une sorte de croque-mitaine pour les enfants de 5 à 7 ans. Les deux amis, d'accord pour rire, ratifièrent par 1000 folies ces déclarations solennelles, et le piano chôma ce jour-là. Dournoff était souvent appelé par ses devoirs chez le ministre qu'il avait pris en affection. La bonne Madame Mirov, qui avait appris la triste histoire de son premier amour, l'accueillit amicalement sans arrière-pensée. De toutes les maisons où il était reçu, celle du ministre était la plus cordiale et la plus hospitalière. Il y revint souvent, si bien que la veille des rois, il se trouvait faire partie d'une joyeuse société de jeunes gens et de jeunes filles invités à tirer l'essor du nouvel an. Madame Mirov avait recueilli tous les souvenirs de la jeunesse et ceux d'une vieille femme de charge allemande pour trouver de nouveaux sorts à consulter, de sorte qu'on avait réuni une riche galerie de superstitions. Rien n'y manquait. Le plomb fondu, les coquilles de noix, le grand alphabet suspendu où à l'aide d'un bâton on cherche des initiales aimées, non sans avoir eu préalablement le soin de se faire nouer sur les yeux un épais bandeau. Les pommes rouges et jaunes, dont la pelure forme une lettre majuscule quand on la laisse tomber derrière son épaule gauche, cela et mille autres ressources offraient à la curiosité juvénile les invités. Toute la société se réunit de bonne heure. Bien des intérêts cachés devaient se débattre ce soir-là. Plus d'un amoureux timide attendait, pour faire sa demande, que le sort habilement consulté lui permit de supposer que ses paroles seraient favorablement accueillies. Il est si facile, en effet, d'aider un peu la destinée indécise. On soulève un coin du bandeau pour ne pas se tromper de majuscule, on pousse la coquille de noix, on défigure une lettre mal formée par la pelure de pomme, et le destin ne s'en montre que plus clément au jeune consultant. On commença par danser bien et dûment quelques quadrilles. Mais la danse n'était pas la grande affaire de la soirée. L'entrain manquait visiblement, et l'on attendait avec impatience l'heure où le sort doit être consulté. À 11 heures, sous les auspices de Madame Mérov, un immense bassin d'argent, 1 mètre environ de diamètre, fut apporté plein d'eau. Une corbeille l'accompagnait, pleine de coquillages de noix dorées. La moitié de ces coquilles portait une petite bougie de cire rose et l'autre moitié des bougies de cire bleue. Celles-ci représentaient les cavaliers, les autres étaient pour les dames. Chacun choisit une coquille, inscrivit son nom au crayon sur un tout petit morceau de papier roulé qu'on glissa au fond, puis on lança la petite flottille sur le bassin, non sans avoir allumé les bougies. Madame Mérov, avec un grand bâton d'ivoire, remua 3 fois l'eau du bassin et les frêles embarcations se balancèrent sur l'onde agitée. C'était un curieux spectacle que celui de toutes ces jeunes têtes penchées sur le bassin. Il y avait là 12 de jeunes filles et autant de jeunes gens. En mère prudente, Madame Mérov avait soigneusement trié ceux-ci. Il n'en était aucun qui ne fût irréprochable. Ces jeux finissent trop souvent par des mariages pour que la plus grande prudence ne soit pas nécessaire. Mais la liberté relative que l'éducation russe laisse aux jeunes filles autorisait ce genre de divertissement qui, sous les yeux d'une mère intelligente, ne pouvait pas être dangereux. Les têtes brunes ou blondes, éclairées d'en bas par la lueur des petites bougies, suivaient attentivement les moindres oscillations des coquilles dorées qui devaient finir par s'aborder entre elles. Comme chacun suivait la sienne des yeux depuis la grande opération du lancement, il s'agissait de savoir si le hasard réunirait des indifférents ou des amis. Toutes les fois qu'une bougie bleue en abordait une rose, c'était des rires, des cris, de joyeuses exclamations. Madame Mérov avait eu soin d'ajouter à la flottille qui représentait les assistants une autre escadre de coquilles argentées qui portait les noms de héros et d'héroïnes fameux dans l'histoire ou dans la légende. De la sorte, les allusions trop directes se trouvaient mitigées. On riait encore beaucoup plus lorsqu'une embarcation en accostait une autre de la même couleur, mais au bout de quelques minutes, Marianne déclara que ce n'était pas sérieux. D'une main agile, elle repêcha les héros et leurs compagnes et ne laissa subsister que les embarcations sérieuses. Le jeu recommença et l'assemblée redoubla d'attention. À 2 ou 3 reprises, le hasard va donner raison à quelques petits commérages qui, durant l'hiver, avaient passé d'une oreille à l'autre. La barque d'un jeune porte-enseigne se dirigeait avec tant d'opiniâtreté vers celle d'une cousine de Marianne que tous les deux, devenus pivoines, ne purent se soustraire aux railleries de l'assistance. Jusque-là, Marianne avait vu son esquif voguer solitaire. Lorsque les barques qui s'étaient abordées furent retirées et que l'espace élargi donna plus de jeu aux espérances superstitieuses, elle appuyait ses mains sur le bord de la cuve et regarda la manœuvre d'un œil attentif. Une grosse coquille qui portait à l'arrière le pavillon de Général Boom flottait au milieu du bassin. Celle de Marianne allait l'aborder. Elle leva les yeux et vit en face d'elle Vera qui souriait malicieusement. D'un geste mutin, elle plongea dans l'eau sa petite main chargée de bagues. Son esquif, repoussé violemment, alla heurter à l'autre bord une coquille solitaire qui n'avait guère pris part à ce divertissement. « Monsieur Dournoff !» cria la voix railleuse de Vera. « Ce n'est pas de jeu !» protestèrent 2 ou 3 jeunes gens. « Il ne faut pas tricher !»« Je ne veux pas du général Boom !» dit Marianne d'un ton d'enfant gâté, en détournant de Dournoff son visage que nuançait un vif incarnat. Sa réponse avait désarmé les mécontents. On enleva la cuve pour changer d'amusement. Dournoff assistait à ces jeux avec un sourire de philosophe indulgent. Bien qu'il fût jeune, il n'avait guère eu de jeunesse. Le travail acharné de ses plus belles années l'avait trop absorbé pour qu'il prît goût à la vie mondaine. Autrefois, cependant, il aimait le monde, car il y rencontrait Antonine. La danse lui plaisait. Il aimait aussi la gymnastique et la nage. Mais depuis qu'Antonine était allée dormir dans le cimetière de Pargalovo, il avait fui la société des jeunes femmes autant qu'il avait recherché celle des hommes âgés et instruits où il pouvait apprendre quelque chose. Le monde qu'il fréquentait jadis n'offrait que peu de ressemblance avec ce qu'il avait sous les yeux. Il ignorait ce luxe achevé, ce goût parfait qui fait aujourd'hui de la demeure des riches une sorte de musée. La toilette des femmes étalait aussi d'autres séductions. Malgré le goût parfait d'Antonine, il avait toujours régné dans ses habits quelque chose de mesquin qui y promenait de sa mère. Ici, les toilettes les plus coûteuses n'étaient pas celles où le velours et la soie se trouvent prodigués. Dans l'arrangement des plis, dans l'art d'assortir les nuances, se révélait le talent d'une grande couturière qui connaissait sa supériorité et savait la faire payer. Jamais non plus, il n'avait vu traiter avec un tel mépris le satin et les dentelles. De la manière de traîner sur le tapis le chantilly d'un volant, on distingue la bourgeoise enrichie de la grande dame née dans la dentelle de Valenciennes. Les volants de la bourgeoise peuvent être plus beaux, mais elle les ménage et redoute un accroc. La grande dame ne s'en occupe point, sans pour cela étaler le désordre de celle à qui l'argent ne coûte rien. Il y a là un monde infini de nuances qui se sentent plutôt qu'elles ne se décrivent. Dournoff les sentait et s'en laissait pénétrer peu à peu. Le charme du luxe et du rang élevé gagnait doucement son âme naturellement noble et faite pour les hauteurs. La vivacité avec laquelle Marianne avait évité la nacelle du général Boom l'avait fait sourire comme tout le monde. Il n'avait pas cessé de sourire en voyant accoster sa coquille. Qu'étaient pour lui tous ces enfantillages? Les 27 ans du jeune président voyaient de bien haut toutes ces misères. Cependant, le sort ayant plusieurs fois uni sa destinée à celle de Marianne, il finit par s'en amuser. Les sortilèges ont de ces malices, surtout lorsqu'une main charitable leur vient un peu en aide. La main charitable était celle de Vera. Soit plaisanterie, soit instinct inné de cette vocation si chère aux femmes, celle de marieuse, elle affectait de ne pas séparer le sort de Dournoff de celui de son ami et ne négligeait pas une occasion de le leur prouver. Les joues de Mademoiselle Mérov avaient gardé leur coloris plus vif. Elle apportait à l'examen des sorts une vivacité joyeuse où se cachait peut-être un peu de fièvre. Enfin, pour clore la soirée, elle saisit une espèce de jeu de cartes où une multitude de prénoms étaient écrits et se mit à faire le tour de la société en les distribuant. À mesure qu'elle passait, les rires retentissaient derrière elle, car elle avait mêlé à dessein les prénoms des deux sexes et ils se trouvaient distribués de la façon la plus bouffonne. Arrivée à Dournoff, elle regarda vivement au-dessus du jeu. La carte qui portait son nom avait été mise par elle en dessous. En voulant la prendre, elle en fit tomber une. Dournoff se baissait pour la ramasser. « Non, non, dit-elle, en voici une. » Il prit celle qu'elle lui présentait et lut à haute voix « Marianne ». C'est celle qui tombait qui revenait, monsieur Dournoff, fit observer un des mécontents. Le voisin se pencha et ramassa la carte. Antonine, lui dit-il. Dournoff pâlit et laissa tomber le long de son corps ses bras que l'émotion venait de briser. Marianne comprit aussitôt. Je vous demande bien pardon, monsieur, dit-elle à voix basse. J'ignorais le nom qu'elle portait. Avant que le jeune homme eût repris son sang-froid, elle poursuivait sa ronde, faisant naître partout des exclamations de gaieté ou d'ironie. Le cercle se rompit. On proposa une mazurka avant le souper, et les couples gracieux voltigèrent bientôt par la salle. Dournoff ne dansait pas. Ils étaient réfugiés dans un coin sombre, et là, les yeux voilés par sa main, il pensait au cimetière, aux fleurs que le vent d'hiver devait avoir glacées depuis si longtemps, et s'apercevait que depuis sa nouvelle fortune, il avait singulièrement délaissé la tombe de Pargalovo. Une ombre passa devant lui et s'arrêta. Il leva les yeux. « J'ai la main malheureuse, monsieur, » dit Marianne. « Debout devant lui, vous allez me haïr ?» Non, Dournoff ne la haïssait pas. Il admirait à tout moment la grâce naïve, la gaieté folâtre, la candeur virginale de cette belle enfant, plus semblable à un papillon qu'à une fleur, mais charmante et pleine de séduction. « Cependant, » ajouta-t-elle, en s'asseyant auprès de lui, pendant que sa mère la croyait occupée à surveiller les apprêts du souper, « je vous assure que votre chagrin me touche. » « J'étais curieuse, oui, messieurs, j'étais très coupable. J'ai voulu connaître votre malheur. J'ai appris combien elle était digne de votre tendresse. On m'a parlé de sa beauté, de sa grâce. J'ai compris combien votre chagrin devait être profond, incurable. Et cependant, vous êtes jeune. La vie est pleine de jouissances pour vous. Vous avez des amis qui vous aiment. Est-ce bien sage de vivre en dehors de toutes les joies? Ou peut-être est-ce un vœu? Peut-être obéissez-vous à une mourante? La voix de Marianne était si pleine de tendresse inquiète. Ses yeux exprimaient tant de compassion émue et discrète que Dournoff répondit « Non, elle ne m'a rien défendu. Elle vous a permis d'aimer, d'avoir une famille. Elle me l'a ordonné. » Un silence suivit, puis la voix mélodieuse de Marianne, aussi légère qu'un souffle, murmura « Votre femme sera une heureuse femme, car vous savez aimer. » Elle disparut, laissant le jeune homme pénétré d'une émotion nouvelle que depuis des années il n'avait pas ressentie.